Le rap est dans un sale état, nous te sais pas les pas. C'est pas calme, gars, je vais te cramer, t'écraser grave, 18 balles et bien l'écart au départ. C'est mon âge, tu rages, mais c'est bizarre. Dès que je rappe la plupart, ferme l'enclat PK. J'ai les milliers en flow. Dans ma caverne, tu baba gros, comme je blague pas, pas faut les battre, qui vais les apporter. Dans la rue, on t'aborde, c'est des petits adorent, c'est fort, c'est disque d'or, mais tu sais pas rapper. Rajoute Ouda, Oli, tu te retrouves au cinéma. Puis qu'on me dit calme-toi, frappe pas les faibles. Même si son as, le combat est inégal, donc si on kick ça, chaque fois, il y aura des fêtes. On me raconte qu'en ville, il ne parle que de gun. Ça boit, ça fume, ça dit wesh ma gueule. J'en réclame nos plumes, car il n'y a aucune valable. Depuis l'époque d'Ayam ou de Michael. Oui maman, mais gueule pas trop fort, bah t'entends sur le disque. Merde, t'enregistres ouais. Tant pis, j'assume ma vie un peu pourrie des pauvres types gentils. On verra dans 10 ans si t'es faux bandir. On grandit quand la vie elle t'en tire. Se les rites et flippant, fini le chiffre, le prix Covid et le caddie. Faut remplir, on vend des petits. Oli, calme-toi là. Trop tard, je suis déjà reparti. Je te jure la vie va trop vite, alors on s'en fiche de tes clips. Et de tes bitches qui dansent, c'est ta Ferrari. Pourquoi tu m'en lis, c'est comme tous les ados. Tu rêves de vivre, d'avoir de beaux ados. Je suis un peu fou, personne n'a idée. Le matin de réveiller toutes mes personnalités. Entre les intellos et les profs, les parisiens bobos et les bots. J'ai plus trop quoi faire d'une planète originaire. Je vis à des années-lumière. Désolé, c'est le décalage horaire. Ma bouche est un flingue, j'appuie sur la détente. Ça fait du monde d'un cran, ça fait le top 50. C'est tous mes potes d'enfants qui font des pop d'antan. Mais dans la pop, ils pas d'antan que de la pop dans. Bouger le rap dans le sang. Merci madame, faudra s'y habituer. Même si en France les rappeurs ne savent pas articuler. Putain, mais dis quelque chose. Trouve ton orthophoniste, un vrai travail ou une cause. Oli, pourquoi tu parles mal des autres. Toi aussi tu fais des fautes. J'ai peur du noir et quand je suis seul des fois je chante des chansons pourries en faisant la vaisselle. Par contre derrière le mic, il peut me tester, dis-moi. Car depuis des mois j'attends toujours qu'un artiste essaye. Et à propos de la maille, je préfère la foule. Sur le type devenu fou, au départ était millionnaire. Et à propos de tes fans, on vient du futur. Donc ils sont tous visionnaires. Mais notre planète on arrive, mais le public n'est pas prêt. Depuis l'an 2000, et c'est que ça plus rassé. Les fans nous réclament qu'être le moindre signe de vie. Le Vico et Oli, on vient combler le vide. Parlez-deux, nous aussi on peut le faire. Montrez-les, parlez-les, nous aussi on peut le faire. Parlez-deux, nous aussi on peut le faire. Et on préfère quitter la terre, on se casse. Viens avec nous, il reste la place. Je suis venu pour t'humilier, te ridiculiser, te mutiler, t'es pas immunisé, vais t'éliminer, je vais t'éliminer, les rimes illimitées, t'es pas habilité, mais t'as l'habilité de Ronald. Tu vois, comme c'est facile de rappeler vite, donc tu peux supprimer quelques MC de ta playlist. Écoute, c'est merde, toute la tournée c'est pénible, c'est comme pour la plupart, ils font la tournée des zéniths. Mais faut t'acheter une place, je sais. Faut t'arrêter, tu parles mal, je sais. Mais je cache dedans, je suis fan, c'est comme ça, comme d'hab, dans ma vie, dans ma peau, je suis mal, car être humain c'est humiliant. Sur la planète, j'avais déjà mille ans. Mille ans. Mille ans, donc comprends que je vous trouve tous silent. Silent. Je vous ferme ta gueule, frère. Non, c'est rien, tu parles seul. Merde, normal que me trouver bizarre dans la cour de récré. Personne me rappelle du tout nouveau, d'aussi plus chronométrie. Ils veulent des gros flingues, des beaux seins, des gros points, des copains, des pots de vin, des potins. Mais j'en ai pas. Je le dis franchement, pour tout ça me dépasse. C'est les filles veulent des. C'est la femme de ma life, c'est la flamme de ma vie. Ça me désole de voir tes connes quitte l'école pour faire les folles. Rendre leur vie molle, ce flic s'envole. La flic la drogue, les flics la coque. Écoute la dope, échange de potes, échange de clopes. Tout ça pour finir en salle sur un parking. Biggie. Mais l'attendant, tu chantes pas. Je sais. Faut t'arrêter d'être comme ça. Je sais. On verra bien demain. Chez Universal, ça se frotte les mains. J'ai des tas de carcasses de rats dans mon 4x4. Écarte tes gars, toi, tu finis à 4 pattes, t'es 4 mancards. Je te découpe en 4x4. Attaque pas ou la balle pas, et te fracasse. Le mec qui grave. Passer d'être le meilleur dans ce rap de nage. J'en ai encore dans sa toi, j'ai des tas de phases. Dès comme Oli et Biggie, j'en vois pas des masses. J'suis très grosse dans le rap, c'est la même Oli. Elle est vierge extra comme une huile d'olive. Non. Désolé Oli, ne pas faire de rime facile, on se l'était promis. Bien sûr ça fout les boules, ça dégoûte, ça les saoule. Mais c'est cool, on déboule de Toulouse, ils sont pas prêts. C'est un mouton, pas un loup, pourquoi tu l'ouvres, c'est douloureux, c'est du lourd. Oups, c'est la fin du couplet. Notre planète, on arrive, mais le public n'est pas prêt. Depuis l'an 2000, les types ne s'appuiera fait. Les fans nous réclament qu'être le moindre signe de vie. C'est Biclo et Oli, on vient combler le vide. Parlez-le, nous aussi on peut le faire. Montrez-les, parlez-les. Nous aussi on peut le faire. Parlez-le, nous aussi on peut le faire. Mais on préfère quitter la terre, on se casse. Viens avec nous, il reste la place. Parlez-le, nous aussi on peut le faire. Montrez-les, parlez-les. Nous aussi on peut le faire. Parlez-le, nous aussi on peut le faire. Mais on préfère quitter la terre, on se casse. Viens avec nous, il reste la place. Vous êtes prié d'envoyer ce CD à tout le rap français. Dites-leur de retourner au taf. Oli ? Ouais. Je crois que c'est vraiment pas fait pour nous ici. On rentre ?